إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد. Bienvenue à tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous facilite. Nous reprenons l'étude du livre Les fondements de la Sunna de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Croire en la vision, le jour de la résurrection, comme cela a été rapporté dans les hadiths authentiques, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur. Cela est authentiquement rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qatada le rapporte de Ikrima, qui le tient d'Ibn Abbas, ainsi qu'Al-Hakam Ibn Abban le rapporte de Ikrima, qui le tient d'Ibn Abbas, et Ali ibn Zayd le rapporte de Yusuf ibn Mahran, qui le tient d'Ibn Abbas. Pour notre part, nous comprenons ce hadith dans son sens apparent, comme il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parler sur ce sujet est une innovation, seulement nous croyons à ce hadith, comme il nous a été rapporté dans son sens apparent, et nous ne discutons avec quiconque concernant cela. Ici, l'imam Ahmad, rahmahullah, mentionne un fondement des gens de la sunna, qui n'est autre que la vision d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans l'au-delà. Et concernant la vision d'Allah, azza wa jal, les gens se sont divisés en trois catégories. La première catégorie sont ceux qui affirment qu'Allah sera vu dans l'au-delà, et qu'il peut également être vu en rêve. L'éminent savant, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmahullah, a dit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui sont venus après eux sont unanimes quant à cela. La deuxième catégorie sont ceux qui disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas vu, que ça soit dans la vie d'ici-bas et également dans l'au-delà. Et ceci est l'avis de certaines sectes. La troisième catégorie sont ceux qui disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est vu ici-bas et dans l'au-delà, comme cela est connu de certains soufis. Et l'avis qui est conforme au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'avis de la première catégorie, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera vu dans l'au-delà et qu'il peut également être vu en rêve. Quant au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera vu dans l'au-delà, il y a de nombreuses preuves dans le Coran à ce sujet. Parmi elles, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Qiyamah, « Wujuhun yawma idhin nadirah » ila rabbiha nadhira. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Et nous avons aussi les preuves indiquant la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Tels que les deux versets de Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit wattaqu Allah وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez et faites gracieuse annonce aux croyants. Et également sa parole عَزَّ وَجَلَّ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ceux qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur et retourner à lui seul. Et l'éminent savant Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous explique que dans la langue arabe, la rencontre nécessite la vision. Par conséquent, les versets où se trouve la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala nous indiquent sa vision. Quant aux ahadith indiquant la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont nombreux. Parmi eux, nous retrouvons le hadith de Jarir ibn Abdullah al-Bajali, qu'Allah l'agré, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Certes, vous allez voir votre Seigneur comme vous voyez cette lune lorsqu'elle est pleine, sans avoir de mal à la voir. » Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Également le hadith rapporté par Muslim, d'après Suhaib, qu'Allah l'agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Lorsque les gens du paradis vont rentrer au paradis, Allah va dire: voulez-vous que je vous rajoute quelque chose? Ils vont dire: n'as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas fait rentrer dans le paradis? Et tu nous as sauvés du feu? Alors, il va lever le voile et il ne leur sera pas donné une chose qui leur sera plus aimée que de regarder leur Seigneur. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita le verset: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Pour ceux qui ont agi en bienfaisance, il y a une belle récompense et un ajout. Et les gens de la sunna, Ahlus Sunnati wal Jama'a, sont unanimes concernant la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Ibn Khuzaymah rahmahullah a dit dans son livre intitulé Kitab al-Tawhid: les gens de notre Qibla, parmi les compagnons, et ceux qui sont venus après parmi les savants que nous avons vus, parmi ceux de notre époque, n'ont ni divergé ni douté que tous les croyants verront Allah à l'œil nu le jour de la résurrection. Et dans certains livres de croyances, certains imams ont mentionné clairement que cet avis et celui des gens de la sunna. Quant aux preuves concernant la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala en rêve, nous avons le hadith rapporté par At-Tirmidhi, d'après Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah l'agré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai vu mon Seigneur sous la plus belle des formes, c'est-à-dire en rêve. Et d'éminents savants, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah nous dit dans Mejmou' al-Fatawa: le croyant peut voir son Seigneur en rêve sous différentes formes selon sa foi et sa certitude. Fin de citation. Donc après avoir mentionné les preuves concernant la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons répondre à certains nombres de questions. La première question: est-ce que la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà est spécifique aux croyants, ou bien les mécréants verront eux aussi Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse est que les savants ont divergé quant à ce sujet. Certains ont dit que la vision d'Allah dans l'au-delà est spécifique aux croyants.